The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Attention! This show may contain explicit lyrics. Attention, certaines paroles de chansons dans cette émission peuvent être inappropriées pour certains auditeurs. Bonjour, you're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2, brought to you by Bonjour Minnesota and French and Fiances Radio Show Therapy. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Hello, bonjour. This playlist has been composed by Emily and Chuck from Pig and Goat Radio. They are both part of the band Well in the Thames and many other bands. Boot Girls, 99ers, etc, etc. And they lived in France for a while. Then it's a variety of songs that we haven't heard in other playlists. Allez, on y va. We're first going to start with Noir Désir and Tostaki, Le Continent, and it's the studio version. Then Billy the Kick with Jean Michemuche, and it's a funny song, it's a jab at Jean-Michel, who was commenting soccer games on TV and was really popular, so he was making fun of him. And then Taras Bulba, who's from the South, and it's more like a collective than really a band, and this song is called New Orleans Express. Des femmes sans visage. À compter les mouches à l'ombre de ton pied de bœuf. Et Jean-Mich, quelle est la température extérieure? On savait pas quoi faire pour ton anniversaire. Alors on a fait une petite chanson, c'est bon et ça passe le temps. Et voici maintenant le grand encrowder qui va te parler. Voici un dernier conseil pour toi, Jean Crowdmuche, le grand justicier de la ZUP. Quand tu sors du bar saloon, n'oublie jamais ta petite laine et tes gris-gris, car le grand encrowder, relou, ralou, belou, plein de dessus de toi, et n'attend qu'un instant de faiblesse pour t'envoyer direct au pays d'Astronomie. Mouli, mouli, mouli, mouli, mouli, mouli. Au revoir, Jean Michmuche, on savait. Ciao et bonne chance pour le prochain quart de siècle. Thank you. It was Noir Désir with Tostaki, Le Continent, then Billy the Kick with Jean Michemuche, and Taras Bulba with New Orleans Express. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Johnny Montreuil, and it's a band who's from Montreuil, and Johnny, because the main singer was a big fan of Johnny Cash, is also doing some acting, and they came to the Twin Cities and had concert in pretty much everywhere, and it was a fun time. The two songs we're going to listen to are from their album Narvalo Forever, and the first one is J'avais une famille, I had a family, and the second one is Chiner la ferraille, and chiner is like looking for something without really looking, a little bit like when you go shopping without a specific goal in mind. And then we're going to listen to the Boldini style with Un mec canon, a very handsome man. J'avais des voisins jusqu'à ce matin. J'avais des amis. J'avais des voisins jusqu'à ce matin. Y'avait du bruit, y'avait du courant, y'avait de la vie, y'avait des enfants. C'était un peu crade, c'était pas méchant. Bande de malades, bande d'innocents. Vos satanés bagnoles et vos dents en or. Je vous ai menti, mais j'en rêve encore. Les fleurs ont poussé sur les flaques d'eau. Les fleurs ont poussé, mais j'ai le cœur gros. Hey. J'avais une famille, j'avais des voisins jusqu'à ce matin. Des voisins jusqu'à ce matin. Quand venait l'hiver, faisait toujours bon. La bonne chaleur, tu vois la chanson. Les premiers rayons nous faisaient sortir. Les premiers rayons vous ont fait partir. Oh, vous n'attendiez que ça. Tu dégages enfant. Maintenant c'est là. Vous ne faites rien. Fini la ferraille, comme j'ai mal au cœur. Fini les moqueries, des belles chéries. Fini les conneries, comme je m'ennuie. Vos satanés bagnoles et vos dents en or. Je vous ai menti, mais j'en rêve encore. Issaïe et Abel, on les a bien eus. Perdu. Oh, oh. J'avais des voisins jusqu'à ce matin. J'avais des amis. J'avais des voisins jusqu'à ce matin. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau capital. Ma gueule, elle te fait peur, toute fripée, mon accent qui vient d'ailleurs. Tes mains, on se fait chasser de partout. Enfin, chez moi, c'est plutôt des flaques de boue tous les jours. Gratter pour un bifton tous les jours. Gratter pour la maison, gratter de la lune pour des mouchoirs. Tous mes gosses, et sans pas plaire. Mes bifton et ce qui reste de mes talbins. Cherche pas à la carte, ça vient de tes poubelles, mon copain. Et si on a du goût, on a du cœur. Bah ouais, ma gueule, sur mon honneur, je suis ferrailleur. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau capital. Ouais, c'est comme ça, c'est mon affaire. Des vis d'étrangle, des cuisinières, des machines à laver, des cafetières, le dentier de ta grand-mère, la Rolex de ton père, je deviens fou. Je vois te faire partout, je deviens fou. Enfer et contre vous, je deviens fou. Toujours chiner les mêmes escrocs fous. Pour trois lovés, pompes de raccro, à vous messieurs dames. Et prix de liberté, matez-moi mieux que ça quand vous me voyez arriver. Allez, je m'en attends, j'ai ma tire à réparer. Oh, et ben, une fois qu'un jour j'aurai vos lovés. La ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Oh. Pour la convertir en dollars dans mon beau capital. Contestable, mais je suis trop attiré par ce monde. défi. C'est quoi un mécanon? Les filles, les filles. C'est quoi un mécanon? Je veux pas d'un écolo qui n'aime que le bio. Je veux pas d'un macho en Alfa Romeo. Les filles, c'est quoi un mécano? Les filles, c'est quoi un mécano? Je ne veux pas d'un supporter gavé au cheeseburger. Je ne veux pas d'un was Johnny Montreuil with J'avais une famille, then Chiné la ferraille, and then the Boldini style with Un mec canon. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to a band that had a big success in 1995 called Big Soul. And the name of the song is Le Brio. Then we're going to listen to Les Négresses Vertes with one of their classics called Voilà l'été, Here Comes Summer, and Paris Combo with the song Living Room, and it's the studio version. And shout out to La Belle du Berry, who left us too soon. Penche la guitare, entonner des tambours, moi j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Percez s'il vous plaît sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence,

Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or que nous aurons construits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas de plan, c'est pas de plan, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living, living, living, living room. C'est pas du plan, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du plan, c'est le living, living, living, living room. Nous sommes tous nés, mon ami. Nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui. D'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde. Car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, non, non, non, faut pas rêver. Car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living, living, living, living room. C'est pas du plan, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du plan, c'est le living, living, living, living room. The Bang, Big Soul, or Big Soul, with Le Brio, then Les Négresses Vertes with Voilà l'été, and then Paris Combo with Living Room. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Niagara with Pendant que les champs brûlent, while the fields are burning, then Louise Attaque with a song called Léa, or Lia, and it's about a woman. And it's a live version from 2023, a very good one. And then we can listen to one of my top favorite songs from the band Téléphone called Un Autre Monde, Another World. I was a teenager when this came out. Plus fort que tout, accroché. dire. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas sale sur terre. Elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide. Elle est pas chaude pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, ou elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est pas sionnée, elle est pas fut-fut, ou elle est pas d'éthique, elle aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas paresseuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas la région PACA, ou elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne. Bravo pour les cœurs encore une fois, merci beaucoup, beaucoup. We just listened to Niagara with Pendant que les champs brûlent, then Louise Attack with a live from 2023 of Léa, and the band Téléphone with Un autre monde. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Lerita Mitsuko with C'est comme ça from their first album, The No Comprendo, and then Well in the Thames with Songstarter and Soyons discrets, Let's be discreet, and it's from their first album, Well in the Thames. respirer. Une mélodie, un début de chanson. J'attendais ce jour de tout mon cœur. Oh,

à perdre. Si je veux te garder, il faut que je tisse la corde pour te prendre à mon cou, que je pousse le vice jusqu'à ce qu'il tombe à tes genoux. Il n'y a pas de temps à perdre. Faille un peu de temps, ça tombe bien. Moi j'ai du temps à perdre. Moi j'ai du temps à perdre. Moi j'ai du temps à perdre. Moi j'ai du temps à perdre. Si c'est comme ça, je m'en vais le crier sur les toits, sur les toits. Je t'aime, même si ce n'est pas sûr que toi tu m'aimes. Moi je suis fou de toi, moi je suis fou de toi. Moi je suis fou de toi. Pourquoi toi tu te fous de moi? Toi tu te fous de moi. Toi tu te fous de moi. Toi tu te fous de moi. Toi tu te fous de moi. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non, vraiment, Elisa. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa. It was Pink Martini with Sympathique, Je ne veux pas travailler, I don't want to work. Then Zazie with Fou de toi, and Serge Gainsbourg with Elisa. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Joe Dassin with Les Champs-Élysées, then Bobby Lapointe with La Maman des Poissons, The Fish's Mom, and it's a lot of play on word. And Georges Brassens with Les Copains d'abord, Friends First. It was a big success for Brassens. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.

ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. It was Joe Dassin with Les Champs-Élysées, Bobby Lapointe with La Maman des Poissons, and Georges Brassens with Les Copains d'abord. You're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. Now we're going to listen to Jacques Dutronc from the 60s with Et moi, et moi, et moi, and me, and me, and me, me, me, me. Millions de Chinois. Et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 300 ou 400 millions de noirs, et moi, qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 300